Exode chapitre 23. Tu ne lèveras point de faux bruit, et tu ne te joindras point aux méchants pour être témoin, afin que violence soit faite. Tu ne suivras point la multitude pour mal faire, et tu ne répondras point dans un procès, en sorte que tu te détournes après plusieurs pour pervertir le droit. Tu n'honoreras point le pauvre en son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, tu ne manqueras point de le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te l'est, abattu sous sa charge, tu t'arrêteras pour le secourir, et tu ne manqueras pas de l'aider. Tu ne pervertiras point le droit de l'un des gens qui est au milieu de toi, dans son procès. Tu t'éloigneras de toute parole fausse, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je ne justifierai point le méchant. Tu ne prendras point de présent, car le présent aveugle les plus éclairés, et pervertit les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger, car vous savez ce que c'est que d'être étranger, parce que vous avez été étrangers, errant au pays d'Égypte. Pendant 6 ans tu sèmeras ta terre, et en recueilleras le revenu, mais en la 7e année tu lui donneras du relâche, et la laisseras reposer, afin que les pauvres de ton peuple en mangent, et que les bêtes des champs mangent ce qui restera. Tu en feras de même de ta vigne et de tes oliviers. Tu travailleras 6 jours, mais tu te reposeras au 7e jour, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante, et l'étranger reprennent courage. Vous prendrez garde à toutes les choses que je vous ai commandées. Vous ne ferez point mention du nom des dieux étrangers, on ne l'entendra point de ta bouche. 3 fois l'an tu me célébreras une fête solennelle. Tu garderas la fête solennelle des pains sans levain, tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, comme je t'ai commandé, en la saison et au mois que les épis mûrissent, car en ce mois-là tu es sorti d'Égypte, et nul ne se présentera devant ma face à vide, et la fête solennelle de la moisson des premiers fers, UTS de ton travail, de ce que tu auras semé au champ, et la fête solennelle de la récolte, après la fin de l'année, quand tu auras recueilli du champ les fruits de ton travail. 3 fois l'an tous les mâles d'entre vous se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu ne sacrifieras point le sang de mon sacrifice avec du pain levé, et la graisse de ma fête solennelle ne passera point la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras en la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ta terre. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi, afin qu'il te garde dans le chemin, et qu'il t'introduise au lieu que je t'ai préparé. Donne-toi de garde de provoquer sa colère, et écoute sa voix, et ne l'irrite point, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et j'affligerai ceux qui t'affligeront. Car mon ange marchera devant toi, et t'introduira au pays des Amoréens, des Éthiens, des Phérésiens, des Chananéens, des Éviens et des Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point, et tu ne feras point selon leurs œuvres, mais tu les détruiras entièrement, et tu briseras entièrement leurs statues. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai les maladies du milieu de toi. Il n'y aura point en ton pays de femelle qui avorte, ou qui soit stérile, j'accomplirai le nombre de tes jours. J'enverrai la terreur de mon nom devant toi, et j'effrayerai tout peuple vers lequel tu arriveras, et je ferai que tous tes ennemis tourneront le dos devant toi. Et j'enverrai des frelons devant toi, qui chasseront les Éviens, les Chananéens et les Éthiens, de devant ta face. Je ne les chasserai point de devant ta face en une année, de peur que le pays ne devienne un désert, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi, mais je les chasserai peu à peu de devant toi, jusqu'à ce que tu te sois accru, et que tu possèdes le pays. Et je mettrai des bornes depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre tes mains les habitants du pays, et je les chasserai de devant toi. Tu ne traiteras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point en ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et cela te serait en piège.